Quatrième partie, un nouvel air, chanson nouvelle. Si en diminuant les heures de travail, on conquiert à la production sociale de nouvelles forces mécaniques, en obligeant les ouvriers à consommer leurs produits, on conquérera une immense armée de forces de travail. La bourgeoisie, déchargée alors de sa tâche de consommateur universel, s'empressera de licencier la cohue de soldats, de magistrats, de figaristes, de proxénètes, etc., qu'elle a retirés du travail utile pour l'aider à consommer et à gaspiller. C'est alors que le marché du travail sera débordant. C'est alors qu'il faudra une loi de fer pour mettre l'interdit sur le travail. Il sera impossible de trouver de la besogne pour cette nuée de ci-devant improductifs, plus nombreux que les poux des bois. Et après eux, il faudra songer à tous ceux qui pourvoyaient à leurs besoins et goûts futiles et dispendieux. Quand il n'y aura plus de laquais et de généraux à galonner, plus de prostituées libres et mariées à couvrir de dentelles, plus de canons à forer, plus de palais à bâtir, il faudra, par des lois sévères, imposer aux ouvrières et ouvriers en passementerie, en dentelle, en fer, en bâtiment, du canotage hygiénique et des exercices chorégraphiques pour le rétablissement de leur santé et le perfectionnement de la race. Du moment que les produits européens consommés sur place ne seront pas transportés au diable, il faudra bien que les marins, les hommes d'équipe, les camionneurs s'assoient et apprennent à se tourner les pouces. Les bienheureux Polynésiens pourront alors se livrer à l'amour libre sans craindre les coups de pied de la Vénus civilisée et les sermons de la morale européenne. Il y a plus. Afin de trouver du travail pour toutes les non-valeurs de la société actuelle, afin de laisser l'outillage industriel se développer indéfiniment, la classe ouvrière devra, comme la bourgeoisie, violenter ses goûts abstinents et développer indéfiniment ses capacités consommatrices. Au lieu de manger, par jour, une ou deux onces de viande coriace, quand elle en mange, elle mangera de joyeux beefsteaks d'une ou deux livres. Au lieu de boire modérément du mauvais vin, plus catholique que le pape, elle boira à grandes et profondes rasades du Bordeaux, du Bourgogne, sans baptême industriel, et laissera l'eau aux bêtes. Les prolétaires ont arrêté en leur tête d'infliger aux capitalistes des 10 heures de forge et de raffinerie. Là est la grande faute, la cause des antagonismes sociaux et des guerres civiles. Défendre et non imposer le travail, il le faudra. Les Rothschild, les Say, seront admis à faire la preuve d'avoir été, leur vie durant, de parfaits vauriens. Et s'ils jurent vouloir continuer à vivre en parfait vaurien, malgré l'entraînement général pour le travail, ils seront mis en carte et à leurs mairies respectives, ils recevront tous les matins une pièce de 20 francs pour leur menu plaisir. Les discordes sociales s'évanouiront. Les rentiers, les capitalistes tous les premiers, se rallieront au parti populaire, une fois convaincus que, loin de leur vouloir du mal, on veut au contraire les débarrasser du travail de surconsommation et de gaspillage dont ils ont été accablés dès leur naissance. Quant aux bourgeois incapables de prouver leur titre de vaurien, on les laissera suivre leurs instincts. Il existe suffisamment de métiers dégoûtants pour les caser. Dufour nettoierait les latrines publiques, Galifet chourinerait les cochons galeux et les chevaux forcineux. Les membres de la commission des grâces, envoyés à Poissy, marqueraient les bœufs et les moutons à abattre. Les sénateurs, attachés aux pompes funèbres, joueraient les croque-morts. Pour d'autres, on trouverait des métiers à portée de leur intelligence. L'orgeril, Breuil, boucherait les bouteilles de champagne, mais on les muselerait pour les empêcher de s'enivrer. Ferry, Fraissinet, Tirard détruirait les punaises et les vermines des ministères et autres auberges publiques. Il faudra cependant mettre les deniers publics hors de la portée des bourgeois, de peur des habitudes acquises. Mais dure et longue vengeance on tirera des moralistes qui ont perverti l'humaine nature, des cagots, des cafards, des hypocrites et autres telles sectes de gens qui se sont déguisés pour tromper le monde. Car, donnant entendre au populaire commun qu'ils ne sont occupés sinon à contemplation et dévotion, en jeûne et macération de la sensualité, sinon vraiment pour sustenter et alimenter la petite fragilité de leur humanité, au contraire, ils font chair. Dieu sait quel. Et curios simulant, sed bacchanalia vivunt. Vous pouvez le lire en grosses lettres et en luminure, de leur rouge museau et ventre à poulaine, sinon quand ils se parfument de soufre. Rabelais, Pantagruel, livre 2, chapitre 74. Au jour des grandes réjouissances populaires, où au lieu d'avaler de la poussière comme au 15 août et au 14 juillet du bourgeoisisme, les communistes et les collectivistes feront aller les flacons, trotter les jambons et voler les gobelets, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, les prêtres à longues et courtes robes de l'Église économique, catholique, protestante, juive, positiviste et libre penseuse, les propagateurs du malthusianisme et de la morale chrétienne, altruiste, indépendante ou soumise, vêtus de jaune, tiendront la chandelle à s'en brûler les doigts et vivront en famine auprès des femmes galloises et des tables chargées de viande, de fruits et de fleurs, et mourront de soif auprès des tonneaux débondés. Quatre fois l'an, au changement des saisons, ainsi que les chiens des rémouleurs, on les enfermera dans les grandes roues, et pendant 10 heures, on les condamnera à moudre du vin. Les avocats et les légistes subiront la même peine. En régime de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des représentations théâtrales toujours et toujours. C'est de l'ouvrage tout trouvé pour nos bourgeois législateurs. On les organisera par bandes, courant les foires et les villages, donnant des représentations législatives. Les généraux, en bottes à l'écuyère, la poitrine chamarrée d'aiguillettes, de crachats, de croix de la Légion d'honneur, iront par les rues et les places, racolant les bonnes gens. Gambetta et Cassagnac, son compère, feront le boniment de la porte. Cassagnac en grand costume de matamor, roulant les yeux, tordant la moustache, crachant de l'étoupe enflammée, menacera tout le monde du pistolet de son père et s'abîmera dans un trou dès qu'on lui montrera le portrait de Lullier. Gambetta discourra sur la politique étrangère, sur la petite Grèce qui l'endoctorise, et mettrait l'Europe en feu pour filouter la Turquie. Sur la grande Russie qui le stultifie avec la compote qu'elle promet de faire avec la Prusse, et qui souhaite à l'ouest de l'Europe plaise et bosse pour faire sa pelote à l'est et étrangler le nihilisme à l'intérieur. Sur Monsieur de Bismarck, qui a été assez bon pour lui permettre de se prononcer sur l'amnistie, puis, dénudant sa large bedaine peinte aux trois couleurs, il battra dessus le rappel et énumérera les délicieuses petites bêtes, les ortolans, les truffes, les vers de Margot et d'Ikem qu'il y a engloutonnés pour encourager l'agriculture et tenir en liesse les électeurs de Belleville. Dans la Tarraque, on débutera par la farce électorale. Devant les électeurs, à tête de bois et oreilles d'âne, les candidats bourgeois, vêtus en paillasse, danseront la danse des libertés politiques, se torchant la face et la postface, avec leurs programmes électoraux aux multiples promesses et parlant avec des larmes dans les yeux des misères du peuple et avec du cuivre dans la voix des gloires de la France. Et les têtes des électeurs, de brère en cœur et solidement, puis commencera la grande pièce, le vol des biens de la nation. La France capitaliste, énorme femelle, velue de la face et chauve du crâne, avachie, aux chairs flasques, bouffie, blafarde, aux yeux éteints, ensommeillée et bâillant, s'allonge sur un canapé de velours. À ses pieds, le capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer, à masque simiesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants, dont les cris lugubres et déchirants emplissent l'air. La banque, à museau de fouine, à corps d'hyène et main de harpie, lui dérobe prestement les pièces de 100 sous de la poche. Des hordes de misérables prolétaires décharnés en haillons, escortés de gendarmes, le sabre au clair, chassés par des furies les cinglantes avec les fouets de la faim, apportent aux pieds de la France capitaliste des monceaux de marchandises, des barriques de vin, des sacs d'or et de blé. Langlois, sa culotte d'une main, le testament de Proudhon de l'autre, le livre du budget entre les dents, se campe à la tête des défenseurs des biens de la nation et monte la garde. Les fardeaux déposés, à coups de crosse et de baïonnette, ils font chasser les ouvriers et ouvrent la porte aux industriels, aux commerçants et aux banquiers. Pêle-mêle, ils se précipitent sur le tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, des lingots d'or, vidant des barriques. N'en pouvant plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent dans leurs ordures et leurs vomissements. Alors, le tonnerre éclate. La terre s'ébranle et s'entr'ouvre. La fatalité historique surgit. De son pied de fer, elle écrase les têtes de ceux qui hoquettent, titubent, tombent et ne peuvent plus fuir. Et, de sa large main, elle renverse la France capitaliste, ahurie et suante de peur. Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour. La terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile? Comme le Christ, la dolente personnification de l'esclavage antique, les hommes, les femmes, les enfants du prolétariat gravissent péniblement depuis un siècle le dur calvaire de la douleur. Depuis un siècle, le travail forcé brise leurs os, meurtrit leur chair, tenaille leurs nerfs. Depuis un siècle, la faim tord leurs entrailles et hallucine leur cerveau. Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines.